Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Ouais, oh oui, bonjour, oui, bonsoir, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Un épisode un peu particulier. T'es fort, hein, t'as pas ri. Non, non, je me suis arrêté tout de suite. Faut savoir que pendant qu'il y a les jingles, il y a des fois des petites blagues on que vous n'entendez des bêtises, pas. Des bêtises. Il faut s'abonner au Patreon et ouais, à Casse Plus, plus pour Casse les plus. Deux. 25 euros par mois seulement pour avoir des petites exclusivités quand même. Voilà. Non, on fait un épisode un peu particulier puisqu'il n'y a que Adrien et moi. D'aucuns diraient parce que vous n'aviez pas d'invité. Oui, oh, oui, oui, oui, bien sûr. De A jusqu'à Z. Mais en même temps, voilà. La dernière fois, on a fait un épisode à deux. Ouais. On a passé un excellent moment. Excellent moment. À ne pas confondre avec un bon, bon moment, moment, qui est un autre, une autre émission. C'est ça. Et en plus, les gens nous ont dit ah, c'est cool les épisodes où vous êtes que deux, c'est bien aussi et tout. Donc on s'est dit pourquoi se faire chier à trouver des invités finalement. Donc on va se suffit plus à nous-mêmes. Et en plus, moi, je n'écoute que le Cozy Corner en ce moment. Ah, ils oui. sont que deux, c'est très bien. Donc ça on va plus faire que ça. Non, voilà. Quoi, pas du tout. Qu'est-ce c'est, pas, c'est pas ça qu'on avait ah, dit. Bah, pas du tout. Pas du tout, puisque dans la prochaine émission, on reçoit Adam Driver. Non, pas du tout. Oh pas non. Imagine. On reçoit Driver. Et Adam Driver. Et Adam Driver. Et ça, on... ça serait un bon concept. Que des gens où le nom, ça se ressemble. J'ai l'impression que ce serait court quand même. Quand même. Vous avez le même nom un peu Anna là. Anna Apter et Chris Esker. C'est déjà c'est... moins bien. Mais c'est pas le même nom. Ah non, non. Ah je dis que ça ressemble, ah, ça ressemble un peu. Vite fait. Ah oui, un d'accord. Peu. Un petit peu. Un peu. Ou alors il y a un lien. Ah, ou alors ça crée une sorte d'énigme. On leur dit, à votre avis, c'est quoi le lien entre leurs noms? Oh, c'est fou, j'y crois pas des masses. Oui. Non, mais. Non, on mais. Ne change rien. C'est juste que les gens vont trouver des liens et on va dire. C'était ça. Depuis le début. Le concept de l'art en général. Ouais. Tu fais un truc un peu au hasard et les gens font excuse-moi, là c'était pour évoquer tel truc. Tu fais oui, bien sûr. Oui, depuis le ah, début. Ah, du tout. J'ai fait au hasard. C'est une erreur. Je me suis assis sur ma brosse. Non, et puis l'autre truc aussi, c'est que. Alors. Une minorité de gens, mais quand même, des fois disent ah vous faites à une époque dans le Floodcast, je sais pas depuis combien de temps. Ah y en a qui osent se plaindre. J'ai non, envie de dire. Non, ils n'osent pas se plaindre. Non mais non, ils évoquent parfois avec une certaine pointe de nostalgie le l'époque où on non pas le temps non non non mais j'ai rien dit le temps où on faisait des questions à la fin des épisodes. C'est vrai que parfois on faisait ça et je me dis bah ce serait l'occasion là. Vu que mine de rien la fin de l'année scolaire du Floodcast, parce qu'on a fait une pause, mais enfin quand même cet c'est été vrai que c'est bientôt l'été arrive l'été à grands pas à très grand, des pas aussi grands que ceux de Tony Parker, mais on y reviendra. Non, on non, y reviendra. Arrête tes conneries. Non mais je suis désolé, je peux pas m'en empêcher, j'ai la connerie en fait. Non mais ça se voit. Ouais, j'ai la connerie. Et franchement ça fait plaisir. Jingle. Jingle de la connerie. Il a la connerie. Il a la connerie. Oh le con. C'est c'est, ça me tuera toute la vie hein. À la fin hein. Donc voilà oh, on va sans doute me le voler. Et puis après les gens vont dire c'est une expression d'internet. Donc pas besoin de oui d'ailleurs on peut dire que est-ce que c'est bon pour vous. Tu as été le premier à le dire. C'est moi qui l'ai inventé. C'est toi qui l'as inventé. Est-ce que c'est bon pour vous? Non c'est Big Flo. Mais cela dit attention. J'ai vu un truc assez dingue. Je sais pas si t'as vu sur internet en ce moment Brut ou Combini interview des vieux mèmes d'internet. Ah oui, ou même des actuels, non? Bah là, ils ont interviewé. Alors, Brut, ils ont fait un reportage sur Bravo Nils sur l'appareil photo. Ça, j'ai vu. Et là, ils ont interviewé qu'est-ce qui est jaune. Enfin, le gamin oui. qui faisait qu'est-ce qui est jaune et qui sont des, avec son frère jumeau. C'est fou. Mais ils étaient deux depuis ça, le début. Pour moi, c'est un twist de ouf. Genre, en fait, si tu regardes bien, il y a une coupure au montage et c'est pas le même qui pose la question et qui dit Jonathan. Ouais, c'est ça. Et ça, vraiment, pour moi, énorme twist. Non, et à la fin, ils lui disent est-ce qu'il y a d'autres mèmes que vous aimez? Et donc il y a quand même le gamin de Qu'est-ce qui est jaune et qui attend qui dit est-ce que c'est bon pour oui, vous. Oui j'ai vu et ça. Et du coup je fais oh mon dieu mais c'est incroyable. Un cover de mème. C'est malheureusement le frère jumeau qui dit ça. C'est pas le non c'est vrai. Pas l'authentique. Non c'est le frère jumeau qui dit moi j'aime bien quand il fait est-ce que c'est bon pour oh, vous. Oh putain. Et Olivier Véran. C'est quand même les deux qui ont repris pour moi. Oui. Oh quel enfer. C'est là où j'ai vu que j'étais quand même le plus gros déringard. Quand Olivier non. Véran. Il y avait Olivier Véran ouais. avant toi. Oui, quand mais même. Cela dit, je ne connaissais pas ce même avant qu'Olivier Véran non. le fasse. Bah, j'avais pas capté. Après, que c'est... je suis streamer. Oui, non, mais t'es streamer. Et quelques streamers le faisaient. Quelques-uns. Mais vraiment très peu. Mais une pincée. Non, mais pincée. Et avec parcimonie en plus. Alors, tu me tends une perche, mais tellement grande. Mais va au JO, mon pote. Streamer, tu as fait un événement récemment avec d'autres streamers. On parlait de grands pas. Parlons-en tout de suite, bah oui. Non, est-ce que tu voudrais par hasard parler de l'event sportif basket. Ah oui, parce que là qu'on enregistre, c'était avant-hier, un truc comme ça. Ouais, avant-hier. C'était avant-hier. C'était jeudi. Ouais. C'est ça. Tu as fait un match contre. Alors tout le monde en fait, puisque au final il y avait un peu de tout. Ouais. Il y avait des streamers, il y avait des vidéastes, il y avait une journaliste, enfin des journalistes sportifs on peut dire. Il y avait un multiple champion NBA et moi. Est-ce qu'il était avantagé ce multiple champion NBA? Je vais spoiler, mais contre toute attente, son équipe a gagné le tournoi. Avec des équipes où en face il y avait genre moi. Donc, mais bizarre, il a gagné. Donc, bravo à lui. On parle de Tony Parker, bien sûr. Non, bah écoute, franchement, c'était incroyable. L'event était fou, quoi. Enfin, déjà, je voudrais saluer Domingo déjà qui m'a invité. Non, et ouais, l'événement c'était dingue, quoi. C'est-à-dire que c'était dans un vrai stade. Un vrai stade avec des gradins, avec il y avait un enfoiré de robot tel le rover de Mars avec une caméra qui roulait le long du terrain, quoi. Donc c'était fou. Ah, c'est pas lui, Dwagby. J'ai confondu. Alors, j'y connais rien en stream. Tu fais référence au Dwag. Ah bah le Dwag. J'imagine. Ouais, bien sûr. Qui n'est pas un robot du tout. C'est un être humain. D'accord, ok. Non mais j'y connais rien en Twitch. Ouais, non mais non, moi je découvre. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Et le Dwag, ça te passe au-dessus. C'est d'accord. Tout au-dessus. Je préfère lire un bouquin. Pardon. Oui, excusez-moi. Bah oui. Je comprends. Et event incroyable. J'étais donc encore bravo et merci à PA. Et puis c'est toute l'équipe de l'Orga, parce qu'il y avait beaucoup de gens backstage. Alors je vais pas m'aventurer à citer les noms parce que je vais dire de la merde. Oui, et puis t'oublies des gens toujours. Voilà, donc tous les gens, les arbitres, parce que en fait j'aurais voulu remercier les arbitres sur le moment, et en fait à la fin de l'event ça avait un peu, on nous disait allez là-bas machin, voilà. Donc mais bon, il y a peu de chances que les arbitres écoutent le Floodcast, mais je pense que c'était pas une tâche facile d'arbitrer un truc où vraiment, on va dire, la grosse moitié des gens ne savent pas vraiment bien jouer et font des fautes et font des erreurs, et du coup ils devaient un peu arbitrer sans siffler toutes les 10 secondes, parce que ça aurait été horrible. Donc, est-ce qu'ils étaient plus durs avec Tony Parker du coup, histoire d'égaliser un peu les chances, ou... Je pense pas, non. Enfin, bon, d'après Tony Parker, je pense que oui. De contester pas mal, mais non, sinon non, j'ai trouvé que, mais moi-même des fois j'ai dit bah, y a faute là. À un moment, c'était assez drôle d'ailleurs, parce que je tire et un défenseur me fait il s'écroule sur moi, il me fait faute, et donc je regarde l'arbitre genre il me fait ouais, il y a faute. Et je fais bah quoi? Et donc après je me suis dit bah oui, mais forcément il siffle pas toutes les fautes, sinon ça sifflera toutes les 10 secondes, on est nul, quoi. donc bravo aux arbitres, bravo le Dwag, tout le monde, à l'organisation, tout le monde. C'était trop bien. Et après moi à titre personnel, mon équipe, j'étais trop content de mon équipe. T'étais avec l'Orga déjà. J'étais avec PA, j'étais avec Robalas. Alors je sais pas si on dit Étienne K ou Étienne Sa. Moi je disais Étienne K, mais j'ai entendu des gens dire Sa. Ok. Non, mais c'est en gros Étienne, donc ancien joueur pro, qui s'est blessé, et du coup maintenant il est genre créateur de contenu. Il fait pas mal de micro trottoirs et tout sur TikTok. Donc moi je l'avais déjà vu passer sur TikTok et tout, mais du coup c'était marrant de jouer avec lui, et adorable, voilà. Il était vraiment, mais toute ma team, il y avait tu vois, tu peux tomber sur des mecs un peu sale esprit et tout. Oui, dans le sport, surtout que des fois c'est un peu la roulette russe, hein, des fois. Et puis le sport, ça réveille. Il y a des gens qui sont très sympas dans la vie, et tu les mets sur un terrain et ils deviennent infects. Et non, là vraiment mon équipe était vraiment cool. Il y avait pas de mauvais esprit, il y avait pas de, enfin c'était vraiment trop bien. Et après, donc comme je disais, moi, ma performance, je suis un peu déçu, parce que j'ai rentré aucun tir. Donc évidemment, il n'y a pas que ça dans le basket, encore heureux. Et donc j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice autrement. T'as fait des passes D. J'ai fait des passes D, j'ai pris des rebonds. J'ai cru voir, en tout cas, que tu as plus ou moins mis un rebond. Alors, Mettre un rebond, ça ne se dit pas. Moi, je pense qu'on peut le dire, mais après. Non, j'ai pris un rebond, Tony, qui a réclamé faute. Bon, écoute, il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. T'as été humilié parce que j'ai 43 ans, j'ai une bedaine et je t'ai pris un rebond. Et bon, voilà, c'est pas grave. Bon. Tu es multimillionnaire. Est-ce que ça compense? Est-ce que c'est bon pour vous le même? Non, et voilà. Et mais en fait, ce qui m'a le plus impacté, je pense, c'est que donc moi je joue au basket depuis que j'ai 11 ans quoi. Okay. Donc faites le calcul. D'ailleurs, je tiens à dire parce que Ragnar Le Breton a commenté ah Méniel, il a 33 ans, on dirait qu'il en a 88. J'ai pas 33 ans, j'ai 43 ans, donc c'est à moitié un compliment et à moitié oui. Une insulte. Il y avait, alors, moi surtout une insulte. Ouais, j'ai surtout vu l'insulte pour être je... personnel, mais. Non, mais bon. Et en fait, j'ai fait très peu de basket en club parce que, en gros. Fait en prison, toi, surtout. Surtout en prison, surtout dans la street. Je construisais mes propres paniers avec des caddies que j'accrochais le long de l'autoroute. Non, mais en fait, en tout cas, tel que ça se passait, moi, en club, là où je jouais, les premières séances étaient, on faisait vite fait des entraînements, et en fait, il y avait des matchs pour qu'ils évaluent le... Donc là, c'était, il y avait plein d'élèves, on va dire, et c'était des matchs où, comme ça, ils évaluaient le niveau de tous les joueurs. Et moi, je perdais mes moyens complètement à ce moment-là parce qu'il y avait un enjeu. Et du coup, et en plus, je suis pas du genre à m'imposer. Je suis pas du genre à... Enfin, tu vois, genre moi, je suis plus à jouer collectif, à faire des passes, etc. Donc du coup, non seulement je perdais mes moyens, mais en plus, j'étais un peu effacé. Et en plus, j'ai pas forcément un jeu qui est... comment dire ? Qui tape à l'œil, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'on se dit pas, oh, dis donc, lui, on me remarque pas forcément. Et surtout que, du coup, moi, j'étais un peu plus petit et un peu plus discret, donc on me passait pas trop la balle et tout. Enfin, il y avait tous ces. Mais surtout, il y avait le truc de moi, ça me foutait une pression. Et du coup, je me retrouvais toujours dans les équipes. Mais c'était l'équipe 3, mais c'était l'équipe avec. C'était des mecs qui avaient même pas envie de jouer au basket. C'était des gars qui avaient jamais joué au basket de leur vie, qui s'en foutaient, qui faisaient n'importe quoi. Et donc ça m'avait vite découragé de jouer en club. Et en fait, ce qui m'a le plus fait de la peine, un peu impacté, quoi, c'est que j'ai un peu revécu le même truc. Ah merde. Tu vois, de putain, mais je joue mieux que ça, quoi. Et ouais. Juste là, je sentais, dès que je prenais un tir, je sentais que j'étais pas là, quoi. Tu vois, qu'il y avait un truc. Et c'était bizarre parce que c'était pas le côté... jouer avec Tony Parker parce que oui. je m'en fous. Non, t'es pas sensible à la célébrité des gens ou des choses comme ça. Pas vraiment, non. Tu vois, à la limite, s'il y avait eu un énorme connard sur le terrain, ça m'aurait peut-être plus, parce que moi, dès qu'il y a quelqu'un qui est agressif, ça me coupe les jambes, quoi. Ouais. Mais y a peut-être pas ça. Le public, je pensais que ça allait me faire flipper, mais en vrai, ah ouais, c'était galvanisant. C'est ce que je me suis dit, moi, parce que là, enfin, j'ai fait l'Olympia en fait. Oui, donc, pardon, donc déjà, voilà. Non, c'est vrai qu'il y avait un truc assez. Quand moi j'ai vu, j'ai pas tout regardé, hein, j'ai regardé 5-6 minutes, mais ton arrivée et le début du match, et il y avait un truc quand même de. Ça gueule vos blazes, le public est chaud. Franchement, c'était. C'est un peu intimidant, mais en vrai, j'ai pas l'impression que c'est ça qui m'a fait, qui me faisait peur. Au contraire, tu vois, j'entendais des gens qui criaient mon blaze, c'était marrant. Y avait pas de ça. Mais je sais pas. Je pense que vraiment, il y a eu un truc très interne de je revis le truc quand j'avais 13 piges, quoi. Et en fait, c'est pas tellement de me dire putain, j'ai mis 0 points. Les gens vont croire que je suis nul et tout. Je m'en branle en vrai. Mais il y a plus un truc de... Tu sais, quand je suis rentré chez moi, je me disais, putain, mais... Genre, à 43 ans, je suis toujours le même... Tu sais, il y a un truc assez un peu déprimant sur le moment, quoi. De se dire, putain, mais j'ai pas... Ah, vraiment pas... déprimant, tu t'es pas dit... Ah oui, d'accord. J'allais dire, assez marrant. Pas pour citer le célèbre même, mais... Non, il y a quand même un truc où tu t'es dit, ah, fais chier. Ouais, j'avais un peu le cafard en rentrant, tu vois, à me dire, putain, je suis toujours au même niveau, alors pas exactement évidemment quoi, mais il y a le côté putain vraiment des espèces, pas, je vais pas dire traumatismes parce que ce serait exagéré, non mais des mécanismes, des trucs d'enfance qui restent, tu vois. Et Et en, mais bon, voilà, moi, c'est passé. C'est sur le moment, ça m'a foutu un peu le cafard. Mais sinon, bah, trop bien d'avoir fait ça. Ouais. Si PA me réinvite, je serais trop content de le refaire. Et puis, bah, moi, je vais continuer à jouer au basket. Voilà, malgré tout. Parce que c'est, j'ai ça dans les veines, en fait. Mais j'ai ça dans c'est le sang, ça, mais bien le sûr. Basket. Évidemment. Non, mais moi, j'ai trouvé ça de l'extérieur d'un gars qui n'y connaît rien en Twitch ou en basket. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas resté très longtemps. Oui. Mais ouais, j'étais assez impressionné quand même. J'étais assez impressionné de, des efforts mis. De, ah, c'était vraiment bien. C'est, ça a vraiment de la gueule. Et puis, ça n'essaye pas de faire. C'est ce que j'avais parfois un peu comme retour, que ce soit sur le GP Explorer, ou, enfin, où je me dis, oui, bon, bah, vous avez fait la même chose, mais sur Twitch. Ouais. Mais parce que j'y connais rien, encore une fois, c'est pas des critiques que je fais au GP ou à truc, c'est juste, bon, voilà. Il y a un petit fond de critique. Non, mais c'est juste que ça me touche pas. C'était plus bon enfant, en fait. Le fait qu'il y ait Tony Parker au milieu, il y avait quand même un truc marrant de, ah, c'est cool qu'il y ait un multi-champion de NBA et des gars qui sont pas si bons que ça. Qui, oui, se, oui, oui. qui s'affrontent. Enfin, y avait un truc. Après, je suis meilleur dans un moment, hein, je te jure. Non, mais ça jouait sur le côté bon enfant. Voilà, c'est ça. C'est encore non, une non, fois ouais, un truc ouais. un peu rigolo. Vraiment, et, vraiment. Et en plus, voilà. moi, je suis très. Ça se prenait pas au sérieux, quoi. Enfin, c'est ça. Ça se sentait au visionnage. Même Ragnar qui dit de la merde, des choses comme ça. Oui, ça oui. rajoute une couche cool à l'événement, je trouve. Oui, bon, les blagues grossophobes étaient peut-être pas obligatoires. Non. Après, j'ai pas tout vu. Moi, j'ai juste. Mais oui oui. Mais en plus moi je suis très comme j'ai dit tout à l'heure quoi. Moi je suis très sensible à ce tu sais s'il y a une sale ambiance, ouais. c'est fini quoi. Moi en fait j'ai vraiment j'ai besoin d'être avec dans une ambiance cool pour même pour taffer pour tout quoi en fait. Donc si ça avait été genre trop on se prend en sérieux et machin, ça m'aurait vraiment encore plus que là ouais. mis dans un sale état quoi et si j'aurais vraiment pas kiffé quoi. Si ça avait été quelque chose un peu dans le même style justement que le GP et tout à savoir non il y a pas de ah, non je croyais que t'allais sortir un truc de qu'on a je non sais non pas non quoi. Non non mais si par exemple on t'avait dit écoute c'est un match qui va être un soir un truc où tu joues pour une asso et que du coup on va te suivre t'entraîner pendant 6 mois t'aurais dit non. Ah, putain, un truc avec plus de storytelling, peut-être. Avec plus de. Ah ouais. Non mais après non. storytelling c'est pas un gros mot dans ma bouche, mais un truc. Non en tout non, cas, non non mais non, plus oui. qui se prend un peu plus au sérieux disons. C'est pas tant le côté se prendre au sérieux, mais c'est le côté. Ça prend du temps dans ta life. Non non. Bah non parce que du temps j'en ai peut-être un peu trop, mais non mais c'est plus là c'est un peu il y a un peu un truc de culte de la personnalité qui moi me casse les couilles comme okay. je disais quand je parlais du Met Gala la dernière fois où je disais c'est un peu la cristallisation de notre obsession pour la célébrité et tout. Après moi j'imagine qu'elles sont très cool les vidéos etc. Mais c'est juste que moi je me verrais pas de faire ça je pense pas que le focus soit autant sur moi. Après je le fais quand je fais des stories mais je sais pas je gère puis en plus enfin tu vois moi quand je fais des stories pour parler de l'event c'est pour dire que je vais me chier dessus que je vais être nul ouais. Parce oui, que c'est ma façon d'en voilà, parler c'est ta DA. Non mais c'est ça mais je trouve ouais. que mais en fait c'est ma DA mais en même temps je trouve que c'est bien de bien sûr. Parce que bah il y a pas tant de gens qui tu vois j'ai l'impression ouais. que t'es obligé de dire ouais, super event j'ai été au top et enfin tu vois il y a un ouais. truc genre mais on peut aussi dire ouais bon j'ai été à chier mais voilà c'était marrant non mais dans les trucs à boire et à manger c'est aussi de dire bah du coup peut-être tu serais alors amélioré je sais que le basket est dans tes veines donc c'est pas le mot que j'ai utilisé mais je suis vraiment très bon tu vois te pousser plus loin mais en même temps c'est vrai que c'est pas toi ça de j'allais dire te pousser plus loin non, mais de... après moi se pousser à faire un truc ouais. machin j'ai rien c'est trop bien de faire ouais. ça et puis on le fait tous tu vois moi après c'est bon le filmer oui c'est ça tu vois il y a un, bon je sais pas en plus c'est vrai que moi j'ai un peu je sais pas j'ai l'impression que ma DA comme tu dis ouais. mais en fait non mais j'aime le message que j'aime plus porter c'est on n'est pas obligé de se pousser ouais. à se surpasser tout le temps et qu'on peut aussi être un peu indulgent avec soi-même et que ça veut pas dire qu'on est moins bon que quelqu'un d'autre et qu'il y a en fait qu'il y a d'autres façons d'arriver à faire des choses que en se faisant violence et enfin tu vois il y a d'autres façons de enfin je trouve que c'est en termes de storytelling justement j'ai l'impression qu'on a un peu qu'une version de ça de genre faut en chier faut ouais. nanana et après tu te surpasses et tout ouais mais bon il y a peut-être d'autres façons d'arriver à atteindre ses buts et peut-être faut les tester parce que c'est peut-être moins marrant en termes de storytelling de voir quelqu'un qui dit non bah là je vais pas m'entraîner aujourd'hui mais peut-être demain enfin j'en sais rien enfin je me disperse un peu, mais je trouve que ouais, que voilà, c'est pas trop mon truc, mais ceci étant, on peut le dire, il y a un duo mystère au GP Explorer qui a pas encore été annoncé. Non, voilà. C'est trop tôt. Et on a le permis tous les deux. Mais voilà, on en dit pas. Libéré le tonnerre. J'en dis pas plus. C'est moi le tonnerre. Un autre truc que je voulais dire, c'est que je voulais. Je peux pas le faire à chaque fois, mais je voulais remercier tous les gens parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé, parce que tu sais, j'ai fait des stories pour dire bon bah voilà, j'ai pas mis un seul point et tout, et j'ai reçu vraiment beaucoup de messages de gens qui disaient ouais, mais franchement t'as une super vision du jeu, t'as fait plein de passes décisives et tout machin. En vrai, je pense que j'ai pas fait tant de passes décisives que ça, mais c'est gentil. Non, mais franchement, les gens, j'ai de la chance, voilà, de pas d'avoir une commu. Je déteste ce terme, mais en tout cas d'être suivi par des gens qui sont sympas, quoi, qui sont gentils, quoi. Ouais, voilà, cool. Juste, qui sont à la bien cousin, pour citer Soprano. Ah, je crois pas, merde. Bon, je sais plus. Si, à la bien, c'est Soprano. Ouais. Il me semble, hein, j'avais pas. Là, il y a un accent. Oui. Il y a un petit accent du sud. Et en plus, comme je disais, comme j'avais un peu le cafard le soir même, les messages faisaient vraiment plaisir à lire, quoi, tu vois. Ouais. Sur le moment. Bien sûr. Donc, c'est bien Soprano, à la bien, tout va c'est bien. C'est bien Soprano, bien sûr. À la bien. À la bien. La bien. C'est un floodcast, du ça, coup, un peu c'est, FAQ. C'est... Oui, je sais. Tu sais ce que ça veut dire ? Mais elle est crampetée, mon pote. Je les avais le soir même. C'est pour ça que je l'ai raté. J'avais oublié d'enlever mes crampetés. Et combien ça pèse, des crampetés ? Non. Oui, bah, ça dépend en vrai. Ça dépend en quoi sont faits vos crampetés. Oui, puisque tu fais avec tes crampetés. Là, c'est vrai que pour un match de basket, c'est pas la même chose que si tu mets les crampetés pour aller en course. Non, voilà. Ou en vacances, tu te mets des petits crampetés dans un verre. Pas rien à voir. Voilà. Oui, non, rien à voir. À l'apéro, un petit crampeté ou deux, bien croquant là. Mais j'ai eu des baskets gratos, donc déjà ça fait plaisir. Ben ouais, les baskets que je portais, c'était. On avait tous, sauf ceux qu'on dit non, non. Et t'as choisi ton numéro ? Bien sûr. J'ai vu le double zéro. Non, zéro, simple zéro. Ah, simple zéro, ouais, pardon. Mais c'est toujours le numéro que je prends. J'avais déjà celui-là au truc de Pierre Cross. Ah, ok, j'avais pas vu. Mais c'est parce que j'adore. C'est mon chiffre préféré. C'est ton le chiffre zéro. Préféré. Très bien. Alors, j'ai donc des questions des auditeurs concernant le floodcast, mais pas que. Des fois, c'est aussi nos différentes vies plutôt professionnelles. Hein. Je suis pas allé trop dans le perso. Oui. Et d'ailleurs, parfois. Vous allez très loin dans le perso, chers amis. Alors, calmez-vous. Voilà, vous pouvez y aller, mais bon, on va pas les lire, tu vois, sans vouloir vous vexer. Oui, j'avais la chiasse le jour du tournoi. C'est ça que vous voulez comme question ? J'avais mangé un burger la veille au soir. Mais quelle idée ! J'ai eu la chiasse toute la journée. Mais... Voilà, c'est ça les infos croustillantes que vous voulez ? Vous savez le nombre de crampetés que ça m'a coûté d'avoir la chiasse comme ça ? Quelqu'un nous demande, alors je vais pas dire les pseudos, hein, parce que sinon je me dis, bon, les gens peuvent rechercher. Ça tout. Leur donne trop d'importance, c'est ça que tu veux dire? Ouais, moi je sais pas ce que soit, c'est nous les stars, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors il y a une question qui dit, comment imaginez-vous la trajectoire du floodcast d'ici 5 ans? Alors déjà, y aura-t-il encore un floodcast il y a 5 ans? On ne sait pas. Bah, voilà. C'est déjà, oui, mais parce que. Et si on répond ça, c'est peut-être parce que. Justement, on l'imagine pas trop, mais en fait, c'est un peu le truc. On l'a déjà dit, mais on n'est pas trop dans un truc de penser à la trajectoire et étape suivante et tout. Au-delà du. Parce que ça, bon, ça marche bien le floodcast et c'est cool. Mais je suis d'autant plus content que ça marche bien et que ça continue. On continue de kiffer, de le faire et tout, et qu'a priori, les gens continuent de bien aimer, nous écouter. Et on n'est pas du tout, justement, on n'a jamais été dans cette démarche de alors c'est quoi l'étape suivante et après on va faire ça et après on a toujours pris notre temps, on a toujours fait les choses comme on les sentait, et ça marche, quoi. Mmh. Et je suis content que en plus d'être un truc qui nous fait plaisir et qui fait plaisir aux gens a priori, c'est aussi la démonstration de on peut réussir aussi comme ça, quoi, tu vois. Et pas être trop stratégique et Après on a peut-être eu la chance d'être hilarant ou le pif, je ne sais pas. Non, mais d'arriver assez tôt où il y avait pas trop de monde, avoir une espèce de base, enfin tu vois, je sais pas, hein. Moi pour être tout à fait honnête, j'ai essayé d'analyser un peu pourquoi ça marcherait et tout, et honnêtement, et c'est pas pour faire de la fausse, enfin j'en ai vraiment aucune idée, enfin je pense juste c'est plutôt bon délire, tu vois, c'est un peu marrant à écouter, et que mine de rien, il y a pas tant de podcasts qui ont la volonté d'être marrants, j'ai l'impression, sur les plateformes de podcasts. Oh, bah, je trouve que comparé, en fait, la volonté, oui, après, y arriver, c'est quand même autre chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'humour est tellement omniprésent dans tout. Tu vois, dans les chroniques, tous les chroniqueurs doivent faire des blagues. Sur YouTube, moi, c'est toujours ce truc où je fais, mais pourquoi tous les vulgarisateurs veulent faire des blagues? Et même tout le monde. Et voilà, c'est ça. Et moi, tout c'est monde pour veut ça, faire d'ailleurs, je fais un big up à Patrick Beau. Ouais, ouais. Patrick, il fait ses trucs. Ouais, il fait un petit truc, mais de l'humour à la Patrick oui, de temps bien en temps. Qui fait plaisir. Mais oui, puis bon. Mais il se force pas, il se force pas. C'est le meilleur. c'est le meilleur, voilà. Moi, il y a un terme que j'aime utiliser qui est le mot goat. Le mot goat. Pour moi, Patrick Goat, mais après, voilà. Et je trouve que le podcast, ou alors peut-être aussi je suis pas assez curieux, mais c'est moins présent. Je vois moins des gens. Typiquement, quand on nous réclame souvent des invités dans le podcast, je vois jamais des noms de podcasteurs où ils me disent oh putain, faudrait faire une collab avec tel podcasteur ou tel podcasteur. Et je me dis, s'il y avait des podcasts comédie qui étaient écoutés, on nous les proposerait, tu vois. Donc, mais après, ce serait pas forcément un très bon épisode. Ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est presque un autre sujet, je suis d'accord. Là, je vais faire une métaphore de sport, mais une équipe, c'est pas une somme d'individualité. Oh, que non. Voilà. C'est une équipe. Une équipe. Ah, la fin n'est pas dingue. On est d'accord. Voit que tu fais plus du sport en solo. Quelqu'un demande, n'avez-vous pas peur de devenir mainstream et perdre ce côté bonne franquette? Je la pose tout de suite parce que je la trouve un peu liée à la première question. Oui, oui. Ouais. Ben, je sais pas, vas-y, réponds, parce que moi j'ai répondu en premier. Moi, je sais pas vraiment ce que veut dire devenir mainstream, déjà, pour être tout à fait honnête. Et j'ai presque envie de dire qu'un épisode comme là, on est en train de faire, est la preuve qu'on n'essaie pas, quoi. Parce que si on essayait d'être mainstream, bah, on inviterait tout le temps, enfin, on essaierait tout le temps d'avoir des gens, Jonathan Cohen, Pierre Ninet, enfin, tu vois, des gens plus connus, etc. Et au final. D'une, c'est pas. Alors, on a trop kiffé faire tous ces épisodes, mais moi, j'aime bien alterner. Voilà, j'aime bien un peu tous. Et même le public, typiquement, le dernier, on l'a fait que avec Valentin. C'est exactement ce que je me disais ce matin ou hier, quoi. Je me disais, c'est trop bien parce qu'on a. Parce que justement, on n'a pas. Tu peux m'interrompre. Non, mais que justement, on a. Aussi bien nous que le public. N'est pas du tout dans ce truc de vouloir des gens connus, quoi. Parfois, on a des épisodes qui sont avec des potes à nous qui sont pas au niveau d'un Ramsey Jonathan ou de voilà, ou ça. Et pour autant, si l'épisode est marrant, ça cartonne, ça marche bien, voire mieux que d'autres épisodes. Et moi, je suis trop content de ça. Après, voilà, moi j'aime bien les deux parce que j'aime toujours. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'invite pas des gens parce qu'ils sont connus. Parce que, comme on l'a dit, on a refusé des gens connus parce qu'on s'est dit, je vois pas, ça marcherait pas forcément ou des trucs comme ça. Mais on va dire tout leur nom ce soir d'ailleurs. Non, ça c'est Acast Plus. Acast Plus, pardon. Mais Acast Plus, ça veut juste être bout à bout, juste on balance des tout blagues. Ce qu'on a pas voulu dire. Ça peut être ça bien. Ça cartonnerait, je m'entends. Ça serait un grand succès. On serait de l'oseille, on serait mainstream. L'inverse. On serait pas mainstream, on serait banni de tout. Professionnellement, la fin de tout le reste. Moi j'aime beaucoup alterner, j'aime bien, mais c'est un peu comme une soirée, tu vois. C'est-à-dire que si je faisais toujours les mêmes soirées avec les mêmes potes, ça me ferait chier. Alors que des fois j'aime bien aller à des soirées. Enfin, j'aime pas spécialement aller à des soirées, mais quand je vais à des soirées, j'aime bien. Il y a des gens que je connais pas, mais que ça pourrait être cool de leur discuter. Oui, non, mais je parle j'aime de moi. J'aime autant qu'il y ait des gens que je connais tout le monde, je préfère moi. S'il y a une personne que je connais pas, la soirée est gâchée. Je peux partir. Non, je plaisante. Non, mais. Je plaisante. Non, mais le gars. Quel con de dire ça. Je plaisante. Oui, bah on sait. Tu n'es jamais sérieux quasiment. Oh, arrête. Je suis seul, tu sais. Ce sera ton bouquin, ça. Jamais sérieux. Mais sur la photo, t'es très sérieux. Tu sais que si je fais une crise cardiaque chez moi, je meurs parce que je suis seul. Tu me l'as dit deux fois en deux heures là. Dont une fois où je réveillais ma fille de sa sieste. Je reformule. Si un jour je m'étrangle avec un aliment chez moi, je meurs sous les yeux de ma chienne. Tu te rends compte de ça? Personne sera là pour me sauver. si, le chien aboiera et un voisin. Non, moi je pense que. Tu sais que j'ai déjà. Il y a longtemps. Hein, fait pas... semblant de mourir devant elle. Non, mais ouais, pour voir ce qu'elle faisait. Rien. Elle me mordit l'orteil. Non, mais rien. Elle ne réagit pas du tout. Bah, on l'embrasse. Ceci dit. Je l'embrasse. Ceci dit, oui. C'est un épisode de 30 Rock, ça, où elle dit qu'elle dit ma hantise, c'est de m'étouffer avec de la bouffe parce que je suis seule. Ah oui. Et elle arrive à se faire la méthode de Heimlich seule avec un dossier de chaise. C'est drôle. Voilà. Ça doit être très violent à voir. Ouais. C'est très good. Mais j'ai pris note. Alors je l'ai dit pêle-mêle hein, les questions, je sais pas de trier spécialement. Est-ce qu'un sketch show en votre nom est un truc que vous aimeriez faire prochainement? Mais alors, je crois qu'on n'est pas tout... Enfin si, toi tu... Parce moi que... moins, mais... Toi moins, c'est ouais. ça. Alors que moi je suis, ouais. je suis toujours... Moi j'ai toujours envie de... Les sketchs, je trouve ça trop bien. Et en plus, moi je suis trop content de ce qu'on a fait avec MST. Ah non, mais moi aussi, ceci dit, c'est pas le... Non mais je suis hyper content de ce qu'on a fait avec MST. Et... Je sais pas, ouais, ça donne envie de parce qu'on a eu enfin déjà on a eu plein d'expériences de sketch show en vérité, c'est ça qui est rigolo. On non, en a fait ce que je veux dire. Pardon, juste sur MSC, c'est que bah c'était Ivy qui était au cœur du truc, qui est déjà un gars très marrant et qui est en plus très intelligent dans le sens où il sait déléguer et il sait bien s'entourer, il fait confiance beaucoup aux gens avec dont il s'entoure. Et en plus, on a eu une grande liberté, tu vois, dans ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait écrire et tout. Et je trouve que ça s'est fait en bonne intelligence, toute l'écriture, tout. Et franchement, je suis très content du résultat. Et ça donne envie de refaire des trucs comme ça, mais dans les mêmes conditions. Quoi. Combien de temps mettez-vous en moyenne pour préparer l'épisode, l'enregistrer et le monter? Alors, le préparer, en ce qui me concerne, c'est zéro. Sauf quand je fais un jeu. Quand il y a jeu, Patrick quoi. Sébastien, voilà. Voilà. Mais d'ailleurs, moi, j'en ferais bien de plus en plus souvent des jeux. Évidemment. Et les gens l'ont dit, hein, d'ailleurs. Enfin, ils seraient ravis. Hein. Et moi, voilà. J'adore participer. Moi, alors là, des fois, rien foutre, j'allais dire. C'est un grand mot. Mais juste participer en tant que juste dire des conneries, moi, je serais ravi. J'ai un autre jeu, d'ailleurs, en préparation, mais aussi sur le thème de Patrick Sébastien. Donc, on attendra de recevoir Benjamin Tranier. Évidemment. Mais ouais, ouais. Ça ne serait tardé, d'ailleurs. Mais donc vas-y parce que c'est vraiment plus pour bah ouais bah c'est assez ça dépend là par exemple en ce moment c'est trop bien parce que vu qu'on n'a pas fait d'épisode pendant 2 mois j'ai beaucoup de news insolites sous le coude parce que ce qui commence à être difficile vu que c'est une hebdo c'est d'en trouver de news insolites mais disons qu'en écriture enfin en écriture c'est un bien grand mot mais en préparation je pense que je mets une heure et demie quand même. Ah ouais non ça prend quand même un petit peu de temps souvent je le fais le soir après avoir couché bébé voilà j'ai un peu le truc. T'as dit le bébé ou t'as dit bébé? J'ai dit bébé ouais. Ah ouais? On arrête. Ah ouais? Désolé. Bah ciao tout le monde! C'est con, t'aurais dit le bébé, ok? Ouais. Mais dire bébé. Mais tu vois, j'aurais pu mentir et dire j'ai dit le bébé. Ouais, bon, ok, l'honnêteté rattrape. Allez, tout. Merci. On continue. l'enregistrement, bon, bah c'est entre 1 et 2 heures. Pardon. Dis-moi. Le faire part de naissance, est-ce que vous avez fait. On a pas fait faire part. Bon, c'est parfait. Pourquoi? Donc, non, parce que vous auriez de pu parler faire... à la première personne. Voilà. Je m'appelle Johan et je suis né et je pèse. Oh, dis donc. Mes deux parents sont très fiers. Je vais faire du gros poutou à mon papa. Oh, ouais, le papa. Et la maman est bien fatiguée, mais elle se repose. Non, voilà. J'ai même pas fait ça dans le texto d'annonce. Est-ce qu'il y a un texto d'annonce d'ailleurs? Putain, je crois que j'ai pas fait de texto d'annonce. Ah non, je crois que j'ai pas annoncé par texto aux gens que Johan était né. Et d'ailleurs, petit easter egg. Mais... sur ma fille. Oui oui non mais t'inquiète. Ah, ouais. Non mais c'est juste que dans ton tu sais ton récap de l'année. Ouais. Donc d'il y a 2 ans non je sais plus. Ouais, je sais enfin, bref l'année en fait on voit le moment où tu m'annonces que tu vas être papa. Ah bien sûr. Ah ouais. oui dans le oui dans les 1 seconde par jour. Ouais. Oui oui et c'est même dans les commentaires quelqu'un a dit un truc genre oh, ce serait ouf que ce soit le moment où il annonce que ça. Et c'est le cas. Exactement et, oui, ça. Et c'est exactement le cas ça. Plein. Baptiste. Il est en tournée, je sais pas si je vous en ai parlé. Mais son prochain spectacle, il vit ici. C'est Baptiste, Méniel. Le cas plein. Le gars plein. Le cas plein. Ah oui, oui. Ça veut rien dire. Hein. Non, non, mais c'est et rien il dire. Fait genre, je suis bourré. Ah, c'est un cas ce mec. Ah ouais, puis il est plein, je peux te dire. Le cas plein. Et donc, à le monter, alors ça, c'est. En ce moment, je sens que c'est la reprise. Parce que j'avais pris un petit skills, à savoir dès qu'il va falloir bipper un truc ou couper. Je prenais une note quoi sur... couper, tu sais quoi jamais couper. Quoi couper en je fait, c'est quoi ça. Couper. Je faisais une petite note sur mon iPhone et en ce moment je ne le fais plus du tout, donc je me retape l'épisode en entier. Ah donc ouais. Ça prend 2 bonnes heures, voire 2h30 de le monter parce que je le réécoute. Alors sachant qu'Adrien m'a donné quand même un petit tips au bout de 8 ans que j'avais pas imaginé, bah je l'exporte en entier, je le mets en 1,5 pour l'écouter plus vite. Ah putain, je suis content de. J'avais jamais fait ça, okay, je le tapais en normal quoi. Ah ouais. Et du coup ça me permet de voir les trucs qu'il faut couper. Attends mais et... dans Adobe Audition tu peux pas faire. Ah ouais. Ou alors peut-être que si, mais alors on parle. Attention. Deuxième tips que je vais te donner. Attention. Okay. fait 8 ans que je fais ce podcast. Les auditeurs l'auront compris que je ne sais toujours pas mixer un épisode et je ne sais toujours pas. On salue utiliser... Sam Station d'ailleurs, ah, un ingé son qui rage, mais qui rage, qui enflamme. Qui écoute le podcast, qui adore, mais il est ingé son et il dit bon, votre son de merde là. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est l'esprit du truc, mais c'est de la merde quoi. Ça, c'est dégueulasse. Ça pue du cul quoi. C'est, mais bon, un son de fils de pute, vous êtes content, c'est très bien. Mais... Une blague très private, mais on le salue. Non, mais on le salue. Non, mais attendez, et là, on est dans le private. Hein. Est-ce qu'il y a pas de façon là. Non, bon, non. Est-ce qu'un projet d'émission filmé pourrait vous intéresser? Alors, pas le floodcast filmé, mais faire autre chose. Une émission qui serait pas le floodcast, mais du coup, qui serait pensée en vidéo. Parce que c'est vrai que vous. Les gens ont souvent demandé est-ce que vous auriez envie de filmer le floodcast, et on a toujours répondu que non. Non. Mais là, la question, je l'ai trouvée maligne, parce qu'elle prend un peu un pas de côté, de dire vous feriez pas vraiment le floodcast, mais ce serait l'esprit autour de soit un jeu, soit un late show, des choses comme ça. Ben après là, le truc c'est que on serait ringardisé par Zen. Bah c'est ça. De toute façon. De base, on essaierait de faire un sous Zen. Un sous sous Zen. Non, on n'essaierait pas de faire ça, mais le résultat serait le même. On serait ce serait ça, mais avec un gars qui a 43 ans et qui est chauve. Et donc il dirait bah non. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Non, mais bah en vrai. Non, en vrai, moi, un jeu, j'aimerais bien. Ouais. Faire un jeu, ça me plairait. J'ai failli, d'ailleurs... plusieurs fois, d'ailleurs. Ah, tiens, d'ailleurs, il existe toujours ce jeu ou pas? Je sais plus. Il y a un jeu, une espèce de... Je sais même plus le nom du jeu, tellement. Mm. Non, mais une espèce de rap-jeu, mais du gaming. Ah oui, oui. Et j'étais en lice pour le présenter. C'est finalement le Douag. Le Douag. Mais pardon, mais tu ne pouvais pas lutter contre le Douag. Non, mais en vrai, cela dit. C'est un très bon animateur. Non, mais en plus, c'est évidemment plus. Ouais. Encore une fois, moi, je suis pas streamer. Je suis pas. Enfin, j'adore le gaming autant que le basket. mais je suis pas érudit. J'ai pas les termes et tout, tu vois. Donc, j'aurais reçu des gens qui s'y connaîtraient mieux que moi en gaming, ça aurait pas été forcément. Il y en a pas eu beaucoup en émission de ce truc au final, hein, j'ai l'impression. Je sais pas. Ouais, j'ai pas l'impression d'en avoir vu beaucoup. Bah, peut-être qu'avec moi ça aurait été mieux finalement. j'aimerais bien j'aimerais bien trouver une idée de jeu cool. Moi c'est juste une histoire de flemme parce que je me suis dit sur les lives. Je me disais, ah, c'est quand même cool quand les gens y voient quand même. Alors, le floodcast, hein, mais quand on faisait des espèces de mini-sketchs, on se l'est toujours dit avec Adrien, quand on faisait les lives, la tournée ou même au Bataclan, c'était de faire un peu une grosse émission ou truc comme ça, à savoir, on parle, mais il y a des petits sketchs à la con, des chansons, des vidéos, des trucs. Et c'est vrai que ça, c'était quand même plaisant à faire. Mais le souci, moi, c'est l'énergie, en fait. J'ai du mal à. Mais même parfois, le floodcast, c'est des trucs d'énergie où il faut que je me prépare mentalement à le faire, quoi. Sinon, je repousse, bah, typiquement, les invités ou les choses comme ça. Des fois, c'est juste ça, c'est de me dire j'ai autre chose sur le feu et du coup, il faut prioriser. Et ça, c'est des trucs que j'ai du mal à faire, quoi. Je suis quelqu'un qui peut m'investir énormément sur des projets. Bah, typiquement, la tournée, j'étais vachement investi. Je suis sur mon film, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le floodcast, c'est tellement dilué dans le temps, fait 8 ans qu'on le fait et tout, que j'ai du mal à me dire allez, vite, faut quand même. Alors que c'est con, parce que vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, et je m'amuse à chaque fois qu'on l'enregistre, etc. etc. Mais donc, du coup, je me dis putain, faire un projet filmé d'émission, faudrait presque qu'on ait on met les pieds sous la table, quoi. Tu vois, c'est genre. Ouais. C'est un peu produit, mais en même temps, ça serait moins nous, donc je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, tu disais Zen, moi, je suis assez admiratif de ce qu'ils font, quoi. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup cette émission, ils me font beaucoup rire. Et je me dis, je trouve ça trop bien que ça cartonne, surtout. Enfin, j'ai un espèce de truc où que cet humour-là soit plaise autant, enfin qu'il reçoive Kev Adams et qu'il refasse les Soda et qu'il lui fasse des vannes. Moi, le chant contre chant où ils ont où ils refont la blague du gars Redouane Arjan qui est blessé. Mais moi, j'étais au paradis. Et vraiment, j'étais genre, mais c'est trop bien qu'il fasse ça, quoi. C'est vraiment trop, trop bien. Donc voilà, on fera jamais ça parce que Zen le fait mieux. Voilà, c'est là où ce qu'on voulait dire. Alors ça c'est une question un peu étrange, mais je me dis ça peut peut-être ouvrir à quelque chose d'intéressant. Que pensez-vous des excuses de Dieudonné? Bon bah écoutez, c'est vraiment très étrange. À quel moment de votre carrière vous diriez-vous tous les deux que vous êtes arrivé? Alors arrivé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas à te dire, ah là je suis à un niveau. Si c'est ça pendant un certain temps, je suis à la cool. Ça me va, j'ai pas besoin de plus, pas besoin de moins, etc. etc. Bah, c'est intéressant. Ouais, toi tu sais ou pas toi? Parce que moi je crois qu'en ce moment je suis pas mal. C'est pour ça que j'ai choisi cette question. En vrai, en fait moi le truc c'est que j'ai pas J'ai pas d'objectif de carrière, vraiment. Mmh. J'ai plus des objectifs de... genre de bien vivre, en fait. Ouais, de plaisir. Bien dans ma vie, ouais. Tu vois. Même si je fais souvent des blagues et tout. Mais, enfin... moi, c'est plus... en fait, c'est trop... Tu vois, j'ai pas un truc du genre... un truc très... j'ai pas une... Putain, j'ai que le terme en anglais, vraiment un truc de trou du cul, mais genre un milestone, tu vois, un truc genre oui. Quand j'aurais fait ça, oui, je serais ton but ultime. J'ai pas ça. J'ai plus un truc vague de me dire bah si à un moment j'ai un truc qui où je suis bien financièrement, genre tu vois, j'ai une baraque, j'ai des chiens, j'ai une vie tranquille où je me sens bien et en même temps et genre une carrière qui me permet de soutenir ça tranquillement et que je suis pas moi je rêve pas du tout d'une vie de star déjà donc tant mieux déjà tant mieux parce que ça évite d'être malheureux voilà. Non mais et surtout je d'une vie ultra busy, tu vois, les gens qui sont à courir entre les projets, je rêve pas de ça du tout. J'adore avoir du temps libre, donc je rêve pas du tout de ça, mais tu vois, un bon équilibre genre ouais, temps libre, carrière, faire des projets cool qui me soutiennent financièrement et qui... Mais encore une fois, je rêve pas d'être ultra riche, juste d'avoir une vie cool qui me plaît et tout. Moi, j'ai pas de projet de carrière vraiment, j'ai pas de truc genre... Quand j'aurais fait ça, là, je pourrais dire que c'est plus une espèce d'équilibre que je recherche. J'y suis pas tout à fait, mais en vrai... j'ai pas de problème de thune, j'ai du temps libre, je bosse sur des projets qui sont cool et tout, donc je suis... Bientôt, sans doute. Voilà quoi. Mais ceci dit, c'est marrant parce que moi, j'ai eu tendance, encore un peu, à courir entre les projets, mais je l'ai pas fait par volonté de le faire. Je l'ai fait parce que je trouvais les projets cool aussi. Enfin, C'est-à-dire que c'était une résultante il y a de travailler avec des gens que j'aime bien, ou telle histoire me plaît, etc., etc. T'as aussi travaillé sur des trucs. Presque adulte, oui, mais c'était il y a quelques années. Mais en ce moment. D'avoir fait mon film qui moi était ma milestone, Monsieur le Ricain des States, fait que je me rends compte que ça m'a beaucoup recentré sur plein de choses. Il y a eu beaucoup de questions sur Nous les Leroy et c'est super gentil, mais je vais pas en parler maintenant parce que le film sort pas tout de suite du tout, il sort début 2024, on est en plein montage, etc. Donc ce serait absurde de vous en parler maintenant, mais on vous en parlera au moment venu et... gardez juste en tête que ça a été effectivement une des plus belles expériences de ma vie. Bien donc sûr. Ça a été aussi un truc qui m'a fait me recentrer sur la vie professionnelle, sur plein de choses, etc., sur mes envies et autres. Ceci étant dit, c'est là où moi je me dis, je sais pas si j'ai atteint un truc où genre c'est bon, mais je suis vraiment bien quoi en ce moment. J'ai vraiment un espèce de truc de mon petit saut à plaisir professionnel et à ras-bord. Bon, la famille, ça se passe trop bien. Là, de reprendre le flow de cast, ça me fait kiffer. J'ai quand même un peu de temps, pas beaucoup de temps libre, mais là, le bon côté du bébé, c'est que c'est pas du temps libre, mais c'est quand même une dose de plaisir qui fait quand même beaucoup de bien. Et non, là, je suis vraiment très, très bien. Et pour dire, j'ai même refusé un truc qui était, je pensais, j'ai refusé un énorme projet qui je pensais était un truc dont je rêvais depuis que je suis tout petit. Et j'ai pas eu trop de problèmes à dire non, tellement j'étais genre, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Et ce que je veux, c'est juste prendre du kiff avec mes projets. C'était le GP Explorer 2. Être arrivé, c'est un bien grand mot parce que je pense que j'aurais toujours envie de faire ces trucs-là. Et puis, j'ai pris tellement de plaisir à faire ce premier film que là, j'ai qu'une envie, c'est en faire d'autres. Bah, tu vas pas te reposer sur tes lauriers. Ce sera la mauvaise critique du film. Non, si le film ne plaît pas, il s'est reposé sur C'est le roi. Le roi est mort. Florent Bernard, le roi des merdes. Je crois que Télérama n'a pas aimé. Dis donc, monsieur Seri là. Monsieur Seri, déjà d'où tu fais des critiques de film? Je suis pas d'accord avec cette petite promotion. Ce film là, je veux bien le faire là. Le mec là qui avait fait Groom avant. Mais tu l'as pas vu? T'inquiète. J'ai vu les 10 premières minutes. Je vais dire que une fois passé les vrais acteurs, il y a des youtubeurs dedans. Est-ce que faire des chroniques humour pourrait vous attirer? Moi un peu en vrai, parce que Je sais pas. Ouais, je pense que ça pourrait me plaire. Ça doit, c'est évidemment terrifiant. Ouais, c'est un surtout si c'est hein. un truc genre une quotidienne ou un truc comme ça. Bon, ça doit être terrifiant, mais il y a pas mal aussi de chroniqueurs qui ont des co-auteurs. Mm. Mais moi, ouais, je pense que ça pourrait me, je sais pas, j'aimerais bien l'exercice, en tout cas, de tester. Ça te botterait. Ça me botterait, exactement. Mais auteur plus l'interpréter ou même auteur juste, ça t'intéresse, enfin, ça pourrait t'exciter ou. Moi, j'ai été auteur, moi, sur une. Alors, j'en ai fait qu'une. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, d'ici dans ce podcast, mais j'avais fait la première chronique de Laura Felpin sur Quotidien. Oh ouais. Et oui, la toute première. Je l'avais écrit avec elle, et dès la deuxième, on a essayé de l'écrire, et j'ai dit à Laura, écoute, je suis désolé, mais je... Enfin, là, je sentais que ça, c'est. Alors, c'était. Est-ce que c'était une quotidienne? Non, je crois que c'était qu'une hebdo, mais quand même. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, c'est trop difficile pour moi, en tout cas, enfin, j'en suis pas capable. Alors, elle a réussi avec Cédric. Ouais. Enfin, d'ailleurs, Cédric m'a pas du. Enfin, j'ai pas du tout cédé ma place avec, ils écrivaient déjà ensemble bien avant. Ouais, ouais. Mais en l'occurrence, là, moi, j'ai pas pu continuer. Parce que, oui, c'était un exercice que j'ai trouvé beaucoup trop difficile. Alors qu'en plus, j'avais Laura, qui est quand même une comédienne incroyable, ouais. Et qui, enfin, tu vois, il y a pas. Je partais pas d'un truc où je me dis putain faut que je rende marrant quelqu'un. La personne oui. était de base très très drôle. Oui, mais trouver des vannes un peu en lien avec l'actualité, etc., etc. Je me suis rendu compte très vite que c'était pas. Ouais, non, ça, encore une ça fois, c'est encore un projet que j'ai accepté parce que j'adore la personne. C'est un truc que j'ai fait beaucoup ouais. dans ma carrière. Même si mon carrière, bon voilà. Mais ce truc-là, je me suis rendu compte. Moi, j'adorerais écrire pour Laura, tu vois, un film, une série. Enfin, c'est quelqu'un. J'espère un jour travailler avec elle ouais. dans ma vie. Mais la d'ailleurs, chronique. Pour moi, son Molière, c'est grâce à Flo de Casse Raconte. En tout cas, on va renommer le Flo de Casse Raconte, disant avec la bon, Laura Felpin, virgule lauréate d'un Molière. Lauréate Felpin. Lauréate Felpin. Bah ouais. Bah pourquoi pas. Non mais je te pose la question. Pourquoi pas. Oui, oui. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Alors peut-être. Alors peut-être. Ça fait 50 minutes qu'on parle, Adrien. Mm-hmm. Ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute une chanson. Parce qu'on parlait de Georges Brassens. Ah putain, food, mais oui. Food Nibar. Tu lui as demandé. Il est d'accord? Bon, on demandera après. Oui, ok, d'accord. Bon, ah, mais en gros, donc on a. L'épisode précédent du Floodcast, on a évoqué l'album. Georges Brassens, Food Nibar, qui est un personnage qui est né de façon assez organique. Et il faut savoir que Valentin Vincent est un excellent musicien. Et un fou d'imitation. Et un fou d'imitation. Là où Georges Brassens est Food Nibar, Valentin est fou d'imitation. Fou d'imitation. Et du coup, Valentin nous a fait la surprise de créer ce morceau qu'on va écouter maintenant. Il a fait sa propre copie conforme. Dans mon village du midi, petite cité maraîchère, y a la vendeuse de légumes qui met ses fruits sur l'étagère. Vous avez compris, je présume, je ferai pas tant de mystère. Quand je languis sur ses agrumes, je parle de ses montgolfières. Et sur la place du village, quand il y a du monde au balcon, c'est pour la vendeuse de l'étage qui met au frais ses mamelons. Et si je parle de rondelets, de pomelots ou de poitrine, rien à voir avec mon marché, j'aime seulement parler de tétine. Des meules de la fromagère aux pelotes de l'institutrice, en passant par la cantinière et par les nénés de la factrice. Aux avant-postes de la garagiste qui est montée sur pneus confort, je parle même pas des artistes qui ont des Robert sur ressort. Les rotoplots et les nibards, les doudounes et les nichons, les lolos, les balochards, les gougouttes et les melons. Je vous le confesse aussi vrai que mon nom est Brassens. Offrez-moi vos soutiens, Georges, car je suis féru de Hans. Ça, j'adorais. Les tchouches, les abat-jour, les ananas, les garde-côtes, les calebasses, les pare-chocs, les obus, les deux fonds, la paire, les bonbons et les poules. Alors voilà, les gradous, elle dure 8 minutes. Non, c'est faux. alors à la fin. Attends, il nous a fait un petit cadeau à la fin quand même. Je suis fou de Nibar. Qui est pour moi Patrick Beau. Ouais, enfin, on s'est tous dit. Vraiment, c'est la voix de Patrick Beau. Je sais Beau. Pas si c'était la volonté, mais en tout cas, c'est Patrick Beau. Qui d'ailleurs n'est pas le dernier à apprécier aussi. Qui a 2-3 points communs avec Georges Brassens. Et je parle pas de la moustache. donc voilà, Valentin, merci pour ce cadeau que tu as offert aux auditeurs. Et auditrices. Et auditrices. Qui, on l'espère, apprécieront tout autant. C'est dommage. C'est dommage. Non mais très très vraiment bon, déjà moi il y a rien qui me plaît plus au monde que pousser une blague à fond et le faire avec grand sérieux. Oui. Mais ça bon, ça c'est quelque chose que tu l'avais dit que j'aime. Ah bah tu le fais aussi. Ouais. Je fais des sketchs vidéo parfois juste pour te les envoyer à toi. Non, et moi j'adore. Et là, alors je l'ai pas demandé s'il avait aussi. Je pense qu'il a peut-être fait la musique c'est possible, parce qu'il hein, c'est un possible. Très bon guitariste, ouais. Valentin. Donc il y a moyen qu'il ait fait la musique. Et Ah, puis il a bossé parce que les je présume, ça c'est oui. Vraiment, c'est tellement Jean Brassens. Ultra bien écrit. Enfin, la parodie, elle est ultra, elle est vraiment bien quoi. Ah ouais, là c'est quelque chose. Et donc bravo Valentin. Magnifique. Un retour de prévu de la Radio Libre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, de ce que t'avais fait, toi ? L'épisode Radio Libre qu'on avait fait ensemble. Moi, j'avais beaucoup aimé. Alors, le seul truc, c'est que c'est de la préparation. Et comme j'ai dit, bon, moi, c'est voilà. Mais oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup parce qu'on avait plutôt bien rigolé. C'était cool à faire. On était tombés sur des auditeurs marrants et tout. Donc oui, moi, je trouverais ça, ouais, assez, ça pourrait être cool, assez ouais. Chouette. Le seul truc, c'est que c'est de la prépa, encore une fois, et donc faut le faire. Ouais, après, pas tant que ça, parce que c'est les gens qui appelaient. Ouais, mais ici, il y avait un mail, donc je devais d'abord lire les histoires, moi, ah, pour oui, c'est pouvoir vrai, c'est faire vrai. Du tri. C'est après, vrai. On les appelait. Il y avait quand même un petit taf. Oui, c'est vrai que c'est nous qui les appelions, oui. Oui, oui, oui, bah, oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui, sinon, ça aurait été, on aurait eu beaucoup d'histoires. Voilà. L'idée, c'est que je faisais une pré-sélec. J'ai chié dans la piste de mon pote. Oui, bon. Bon, on a déjà eu cette histoire d'air, ça va, c'est bon, t'es pas obligé de nous appeler tous les jours. Va faire une pizza au barbecue et. Et faire une clean wall dans, qui ouais, dans ton four là. C'est bon. On lui offre un four, le mec il fait 800 stories pendant 3 ans. C'est bon là. Adrien, est-ce qu'une expérience de co-auteur de stand-up, similaire à ce que Florent a fait avec Baptiste Le Caplain, pourrait t'intéresser ? Alors, je crois qu'on m'a déjà posé la question, ah bon, il me semble, mais alors oui, j'aimerais bien. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est faut vraiment. Je suis pas un mercenaire au point d'aller bosser avec quelqu'un avec qui je m'entends bof. Bah sûr. Donc faudrait vraiment que ça parte d'une entente. Oui, mais c'est rare qu'un co-auteur de stand-up ou d'humour tu t'entendes bof. Souvent il y a quand même une petite alchimie. Oui, mais oui, bien sûr. Mm. Mais je pense qu'il faudrait que ça parte d'abord d'une bonne entente dans la vie. Ouais, bien et sûr. Et que tu vois et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs entre moi et Baptiste en l'occurrence. Et moi, il y a aussi le truc de, tu vois, que comme socialement, je peux être un petit peu imperméable. Il faut que je sois assuré que ça passe déjà, que ça se passe bien et tout, ah ouais. Pour ensuite pouvoir bosser, quoi. Bien sûr. Est-ce que ça vous plaît de vivre à Paris ou êtes-vous ici pour la partie pro uniquement ? Bah ça, moi, c'est un peu la grande question de ma vie parce que. Moi, je kifferais vivre dans une baraque avec un jardin et tout. C'est un peu mon but. Mais, bon, d'une part, en fait, moi, je suis pas vraiment un gars qui profite à fond de la vie parisienne. Je sors pas dans les bars, tout ça. Bon. Après, avoir un truc où. Enfin, tu vois, genre, tu peux aller faire tes courses à 21h, tu sors, il y a toujours des trucs ouverts et tout. Bon, c'est pratique. Là, hier, je suis rentré de Gare de Lyon et j'habite loin de Gare de Lyon, donc j'ai traversé Paris. Et à un moment, je me suis pris une petite glace chez un épicier. Et oui, puis voilà. C'est quand même un petit kiff qui est agréable. C'est agréable. Ouais. Par exemple, quand je suis allé tourner, alors c'est pas pour disrespect Dijon, mais quand même ouais. La grosse, j'ai vu le contraste entre oui. entre Paris et Dijon quand moi je suis arrivé le dimanche soir vers 19h. 18h30 et je me suis dit bah je vais aller me balader dans Dijon quoi et bah en fait Dijon 19h ouais. un dimanche ouais, ouais. Bah tout est fermé ouais. Et non seulement tout est fermé mais il y a vraiment personne dans les rues quoi j'avais l'impression que c'était le confinement ouais. Et t'as ce truc aussi qui est marrant on s'en est rendu compte nous pendant le tournage de resto où il y a de la place et tu y vas et ils te disent non là c'est pas possible ouais. Et tu dis bah là il y a non ouais. Non là c'est compliqué ouais. Et donc je me suis dit ah oui quand même parce que bon c'est un aspect de Paris qui est cool le côté foisonnant fait que justement a fortiori quand t'es quelqu'un qui sort pas souvent quand tu sors bah il y a toujours un truc quoi ouais, tu vois ça. Alors que bah si tu sors pas souvent et quand tu sors bah si tu sors pas au bon moment il y a rien c'est peut-être, ça peut peut-être peser sur le moral, tu vois, etc. Donc c'est aussi peut-être sans doute apprendre à vivre autrement aussi. J'imagine que tu continues pas à vivre comme un Parisien si tu vis ailleurs. Mais en grande partie, bon, moi, il y a aussi maintenant des raisons perso, parce que j'ai ma chienne en garde partagée, donc si je me barre, c'est compliqué. C'est une logistique, ouais, c'est ça. Mais en plus, professionnellement, bah oui, quand il y a des réunions d'écriture, c'est à Paris. Quand il y a des tournages, c'est souvent à Paris. Tout tourne beaucoup autour de Paris. Et en plus, parce que moi, il y a plein de gens qui me disent « Attends, t'es... » Pour le côté acteur, t'es pas obligé de vivre à Paris. Et en fait, tu dis, bah ouais, mais le truc, c'est si t'es un gars connu, tu peux vivre en Lozère et ils vont t'appeler pour un rôle parce que c'est toi qu'ils veulent. Et ils vont te dire, oui, bah on te paye le train pour venir sur le tournage. Si c'est moi, ils vont dire, ah, t'habites là-bas, bon, on va prendre un autre mec de ton niveau, tu vois. Enfin, tu vois, je suis pas bankable. Mais t'es Banksy par contre. Je suis Banksy, ça c'est vrai. Et copie comique, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais quand t'es à mon niveau, en fait, on va pas se galérer à te dire ah oui, on va te faire venir à Paris puis pour tourner, machin. On va te dire bah non, écoute, on va prendre un gars qui. Un des milliers d'autres acteurs de ton niveau et on lui paiera et on évitera de payer du train en plus. Donc, tu vois. Donc, non, mais même donc être à Paris, c'est important. Quoi. Moi, c'est d'abord professionnellement. Vraiment. Ouais. Moi, j'ai pas une attache vraiment. L'architecture ou la vie, tout ça, je m'en fous. Parce que tu vois, moi, quand j'étais à Dijon pour le tournage, par exemple, le ciné, Dijon, c'est quand même pas une petite ville, hein, c'est quand même un grand truc. Du coup, il y a 4 ciné, je crois. Mm-hmm. Du coup, t'as quand même des séances un peu tout le temps. Enfin, et tu peux te démerder pour avoir de la VO. Enfin, c'est. Voilà, faut pas. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des alternatives un peu partout. Je dis pas ça en contraste avec ce que tu dis, mais c'est pour dire que moi, c'est vraiment d'abord professionnellement que je suis là. Bah oui. Et parce que effectivement, et puis moi je viens vraiment pour le coup du fin fond d'une petite ville de région, et j'ai la chance d'avoir une maison à la campagne, et je retrouve tout de suite mon mode de vie de quand j'étais gamin. Donc en gros, c'est bah oui, on va acheter plein de trucs surgelés, foutre dans un congèle, et du coup il y a moins besoin de sortir, et puis on peut faire la même chose. Hein. On peut se faire une pizza à minuit et demi parce que d'un coup c'est dans le congèle. Voilà, tu retrouves une autre façon de ta liberté de machin. Donc ouais, moi c'est vrai que après c'est vrai. C'est moi, c'est même les potes, hein, et ce truc-là. Il y a ça aussi. C'est ce que je disais quand je dis, tu vois, moi, je sors pas souvent. Ouais. Mais du coup, c'est cool de voir quand même les potes de temps en temps. Et bah, du coup, si t'es hyper loin, tu peux pas sortir sur un coup de tête. Tu as tes potes qui disent, tu fais quoi? On boit un coup ce soir? Et tu fais, bah, je suis à 3h de Paris, donc c'est terminé. Au revoir. Donc j'espère que c'est une très bonne soirée. Éclatez-vous. Moi, je vais rester chez moi. Non, puis même les floodcasts, ce serait. Ah, bah là, ce serait insupportable. Ce serait galère. Ce serait un sup, c'est un mot que je dis des fois. Ouais. Est-ce que Pyjama peut être à vos côtés à chaque émission, comme la troisième mousquetaire? C'est vrai que c'est une invité qu'on aime beaucoup avoir. Bah ouais, hein. Moi, je suis. Ça pourrait, en tout cas, qu'elle vienne plus souvent, avec grand plaisir. En tout cas, cool. Beaucoup de gens me le lisent, et sans doute toi aussi. Bien sûr, c'est vrai qu'ils veulent l'entendre plus souvent et tout. Je l'ai rencontrée grâce à toi, je la connaissais pas du tout. Et même au début, j'étais genre, ok, je la connais pas, mais vas-y. Et effectivement, elle est très très marrante. Très marrante. Invitons-la plus souvent. En tout cas, ouais, elle est la bienvenue. Voilà. Je peux pas vous dire mieux, elle est la bienvenue. Pourrions-nous revenir à des épisodes de plus de 2 heures, voire 3? Car là, je tourne un peu en rond avec les épisodes un peu plus courts, mais hebdo. Alors... Arrête de réclamer, ce sera ma réponse. Non, mais moi je voulais le dire quand même, parce que c'est très long, 2 heures, voire 3 heures. Et pour tout ce qu'on a dit avant de préparer l'émission, c'est une hebdo également. Et c'est fatal en fait. Si ça devient une hebdo, c'est plus court. Fatal, tu parles du film? Je parle du film Fatal. Non, ça avait du sens quand on l'en faisait sporadiquement. Il y avait un truc de. Bah là ça fait 2 mois et demi qu'on en a pas fait, donc si on en fait un, bah viens, ça dure longtemps quoi. Mais là maintenant que c'est un peu tout le temps, non, moi je me vois pas refaire des épisodes de 2 voire 3 heures, car c'est même très fatigant, il faut le dire, hein. C'est une question de feeling. Ouais, c'est vrai, mais c'est fou qu'on a pas mais on fait au feeling, et je pense que si on se disait bah ouais, celui-là on fait 2h30, bah il y aurait 30 45 minutes qui serait pas bien quoi. Jamais arrivé en tout cas que ça dure, enfin qu'on s'amuse et je vois 1h40, je fais oulala, faut que je termine le podcast. Non, moi je laisse tourner quand jusqu'à ce qu'on puisse. Des fois j'ai des trucs où je dois aller chercher la petite à la crèche ou des choses comme ça, où on a des rendez-vous, mais c'est jamais arrivé qu'on coupe l'épisode parce qu'on se dit oulala, attends, surtout pas que ça dure plus d'une heure et demie. Ouais. Donc c'est vraiment la durée. Là, c'est aussi ça le côté cool de la liberté du podcast. C'est que ça fait la durée que ça fait. Là, vu qu'on est que tous les deux, par exemple, il va sûrement être plus court. Et on s'en fout, tu vois, c'est à la cool. Quoi. Florent, à quand ta participation dans la bonne auberge ? Alors je vais répondre. Ça ne m'a jamais été proposé, mais je pense que je serais un très mauvais participant. Tu crois ? Ouais, je suis pas très. En fait, le problème de. Parce que j'ai déjà regardé un peu La Bonne Auberge ou Game of Thrones ou des choses comme ça. Ouais. Quand je dis regarder, je suis tombé dessus et j'ai laissé pas un peu. Pas obligé de citer la concurrence. Non, mais je. En fait, c'est. Il y a quand même une part de jeu dans le côté jeu de rôle léger, et de sérieux. Léger. Oui, mais je sens qu'il est quand même important. Et que moi j'aime bien quand c'est n'importe quoi. Oui, mais ça, oui, mais ça peut être ça le jeu de rôle. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ça. Et dans ce cas-là, effectivement, enfin, ça peut être en fait, pourquoi je disais Game of Roll ? Parce que j'étais tombé sur quand ils faisaient Game of Roll sur une élection présidentielle. Ouais, ouais. Et ça, je m'étais dit, oh bah là, je me sentirais parce que je sens qu'il y a moins de règles. Je sens que c'est un peu plus le bordel. Je sens qu'on a le droit de faire des grosses blagues. Mmh. Et voilà. Alors que suivre un jeu de rôle. Peut-être avec un peu plus de règles, et c'est normal. Enfin, encore une fois, c'est pas un truc de. Je sens que là, c'est un truc où je me sentirais pas libre. C'est pour ça que je suis très mauvais en jeu de société et que je m'amuse assez. Enfin, c'est un truc où. Cracklist quand même. Ah, oh, tiens, ce sera mon Marocco. Tiens. Non, mais je peux aimer, mais voilà, les règles font qu'au bout d'un moment. C'est pour ça que j'aime pas jouer avec des gens compétiteurs à des jeux de société, parce que moi, beaucoup, je fais des blagues, je tourne autour du pot, et il y a des gens qui ça saoule, et je comprends complètement. Mais voilà, donc du coup, je ne sais pas si je serais un bon participant à la bonne auberge. Je pense que si, mais effectivement, moi, jamais, je t'imaginerais pas trop dans un épisode, par exemple, de la campagne principale de la bonne auberge, mais il y a des milliers d'univers différents dans les jeux de rôle, c'est ça qui est trop bien, et on peut. On peut imaginer un truc plus justement où c'est plus comédie, etc. Et je pense que tu pourrais être bon. Si un jour je suis maître de jeu sur une partie, ah ouais. Je compte bien te proposer. Mais il y a une communauté. Si je me dis que ça peut te. Bien sûr. Mais il y a des fois une communauté un peu sérieuse. J'avais vu. Encore une fois, je suis désolé, je cite la concurrence, mais ils avaient invité Yvick à un truc de jeu de rôle. Et quand même, il s'était fait. Un peu, pas défoncé, mais lui il était vraiment allé pour rigoler et machin. Ouais. Et il y avait quand même une partie de quand même, joue le jeu, etc. Ah ouais, etc. Oui. Bah et, oui. Bon, je comprends. Hein. Bah après, les communautés geeks, il y a toujours des trous de balles, quoi. Faut le dire. Je hais les geeks. Voilà. Après, nous on a. Enfin, oui. Ouais. De toute façon, toutes les communautés, il y a toujours des puristes relous, quoi. Bien sûr. Mais faut vraiment. Enfin, tu vois, si tu sais que c'est Yvick l'invité, tu te doutes bien qu'il a jamais fait de jeu de rôle et tu te doutes bien qu'Yvick, il a pas passé sa adolescence à jeter des dés à 20 faces et à faire je bois une potion de. Non, donc voilà, il va venir pour faire des blagues et adaptez-vous. Enfin, tu vois. Ah, bien sûr. C'est comme si t'allais voir Dumb and Dumber, tu fais quand même, la critique de la société n'est quand même pas tout à fait exacte. Oui, tu sais ce que tu allais voir en fait. En parlant d'Yvick, on nous a demandé, mais alors il est passé où l'épisode de Lyon avec Yvick et Freddy Gladieux ? C'est bien qu'on le dise enfin ah ouais, en fait. Faut dire, désolé, alors, en gros, c'est indépendant de notre volonté. Il y a eu un couac du côté de l'équipe technique qui a géré les épisodes. Et l'épisode a disparu. Voilà. Alors là, pour le coup, je le dis parce qu'il y a plein de fois, ok, j'ai merdé avec les micros, ok, j'ai merdé avec l'enregistrement. Là, vraiment, malheureusement, c'est l'équipe technique qui gérait les enregistrements. Ça a été sur tous les autres épisodes, mais sur celui-là, malheureusement, ils l'ont paumé. Donc il ne sortira pas. Ce sera une petite pépite pour les gens qui ont été là, parce que c'est vrai qu'on avait quand même bien rigolé. C'est le seul qui, du coup, sera. Je veux pas vous mettre le seum, mais Julien Pestel a interprété un paix d'Yvick. Je peux pas vous dire mieux. Bah, est-ce que je peux, du coup, raconter? Parce que, en gros, j'ai. C'était mon idée, donc je dis ah bah, moi. Je t'en supplie, c'est ton idée. Ah bah, si, non, mais en gros, parce qu'il y avait un running gag dans le Floodcast où Yvick pète dans les micros. Ce qu'il a fait d'ailleurs dans le sketch des rappeurs à ne pas suivre. Il fait le rappeur ASMR et il finit par péter dans un micro. Donc, j'y ai vu là un hommage. J'y ai vu là un véritable hommage. Sans doute. Après, est-ce que. Bon, après, ça reste dans l'ADN d'Yvick de oui, base. Je vais pas dire qu'on lui a imposé le paix dans son humour. Je suis en train de repenser que dans son épisode de Il fait tout noir, ils lui mettent un coussin péteur pour qu'il s'assoie dessus et il est au paradis. Il se rassoit dessus plusieurs fois. Okay. J'adore Yvick. Voilà. Ah bah oui. Mais non, et en gros, je m'étais dit ça pourrait être marrant que peut-être tu pourrais peut-être même passer. Je peux le diffuser. Je pourrais le diffuser. Ça, je l'ai. Et je me suis dit ça pourrait être marrant que on fasse une espèce de happening où on dit bon, il y a quand même une tradition dans le Floodcast, c'est que bah voilà, Yvick pète dans des micros, donc est-ce que tu serais ok pour péter dans un micro? Et Yvick dit ouais ouais ok d'accord et tout, donc on lui met un micro à hauteur de cul et il se place genre comme s'il allait péter. Et en fait, du coup, j'avais écrit un truc. Écoutons-le. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis le cul d'Yvick. Je profite de la plateforme qui m'est offerte ce soir pour vous sensibiliser à un sujet important. Sachez que ce que vous appelez paix ou encore prout et qui vous fait tellement rire, c'est tout simplement la voix de millions d'anus que vous humiliez avec vos moqueries. Ce harcèlement doit cesser. C'est pourquoi... Excusez-moi. Oh, vous riez. N'avez-vous donc rien écouté de ce que je viens de dire? Misérable humain, restez donc là, assis sur mes congénères, en attendant votre fin inéluctable. Oh, je hurle de rage! Donc voilà, donc c'est ce truc où Julien Pestel a très gentiment accepté d'interpréter le cul d'Yvick. Et vraiment, peut-être un des DM les plus bizarres de ma vie, de dire, bon voilà, est-ce que tu accepterais de prêter ta voix pour interpréter le cul d'Yvick? Sachant qu'Yvick a donné sa voix à un Transformers, donc quelque part... rien à voir. Pestel a donné la voix au cul d'un Transformers, selon vrai. Moi. Mais c'est, après, vrai, voilà. c'est vrai. Et donc, voilà... Je vais aussi vous le dire, parce que là, vous n'avez pas la réaction du public, du coup. Mitigé. À la grande surprise générale. Très polarisant, cette blague. Une mi-fig. Voilà. Je pense qu'on peut dire mi-fig. Une moitié a bien ri. L'autre a fait, oui, bon. Le cul du gars parle, en fait. Non. Trop de mise en scène pour ça, stop. Donc, une réaction très mitigée. Non, je rebondis, parce que pourquoi je parle aussi de Transformers? Parce que... Yvick donc joue un Transformers et ouais. Il l'a dit plusieurs fois en story et il passe une story et je lui ai envoyé: si t'aimes tant faire la voix d'un Transformers, t'as qu'à baiser un robot. Sauf que je l'ai envoyé à Cyrus North du coup. Non. Non, je à l'ai Paramount. À Paramount qui avait partagé le truc, qui me suit et qui parfois m'invite très gentiment à des avant-premières. Et sauf que j'ai pas fait: oh merde, je l'ai envoyé à Paramount. J'ai laissé mijoter tout ça, puisque j'ai compris que bien plus tard que je l'avais envoyé à Paramount, qui a vu le message et n'a pas répondu, qui n'a jamais répondu, mais qui me follow encore. Donc si Paramount, voilà, j'ai effacé le message entre temps, donc je sais pas s'ils sont passés dessus vite fait ou si encore ils l'ont vu vraiment longtemps, mais je tiens à présenter mes excuses à Paramount. Je voulais évidemment l'envoyer, enfin je ne disais pas au CM de Paramount on va baiser un robot, je parlais vraiment à Yvick. Oh là là. Est-ce que vous pensez refaire des épisodes geek dans les prochains Floodcast? Eh ben écoute, pas vraiment, parce qu'on a déjà abordé tous les sujets. C'est-à-dire que, alors pour dire aux gens peut-être qui suivent pas, les épisodes geeks, donc c'était en fait les épisodes des fois sur des franchises. N'appelons pas ça les épisodes geeks. Ah ouais. Non mais c'était des épisodes spéciaux où Adrien d'ailleurs n'était pas jamais convié sur des franchises de pop culture, disons, voilà. Oui, voilà. Et il y a eu ça t'énerve aussi, pop culture? Non, c'est mieux. Et donc il y a eu Star Wars, Marvel, Jurassic Park, etc. Mais c'est juste qu'on les a tous fait, quoi. Donc moi j'ai vraiment la flemme de faire des épisodes genre recap de... Alors depuis il y a eu d'autres Marvel, parlons-en. Oui, non, oui. C'est chiant. Et puis en plus je regarde plus vraiment, pour être tout à fait honnête. Non, puis il y a sans doute plein de podcasts qui font ça. Ouais, ça pour le coup il y en a beaucoup, des podcasts pop culture, ça c'est sûr que c'est très présent. Non mais moi j'ai adoré les faire, ces épisodes, parce qu'en plus moi c'est quand même une partie très importante de ce que je suis. Et j'ai adoré faire ces épisodes. En l'occurrence, je fais un big up à Joe, Ben et Vesper, parce que c'est souvent avec eux qu'on le faisait. Mais là, je trouve qu'on a un peu fait tout. En revanche, on avait fait une première partie sur les comédies françaises avec Vesper et les gens de Calmos. Et on fera la deuxième partie. C'est complètement prévu, on va la faire. C'est sûr et certain, j'aimerais bien qu'on la fasse avant que je sorte un film. Parce que commencer à donner des petits trucs. Ouh, la comédie. Ouh, c'est quand même pas très drôle. Oui. T'as vu ta merde. Ouais, c'est ça. Bah ça, alors ça sera très marrant à voir. Parce qu'aussi, Jack Mimoun, ce qui fait que je le vis bien, c'est qu'on est plusieurs. Ça va pas être la même limonade. Là, je l'ai écrit tout seul. On va le ramasser à la petite cuillère, vos DM de gros cons, là. Dis donc, d'habitude, je t'aime bien, mais ton film, c'est de la merde. On va te retrouver. Tout simplement. On va te retrouver. La petite philosophie de mais non, mais moi, si vous avez trouvé ça drôle, ça me suffit. Là, je pense que je peux beaucoup plus mal le vivre. Attention. Mais bon, ça sera intéressant. Ça sera très marrant à voir. Adrien, Et si on faisait des recommandations culturelles? Avec un immense plaisir. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux recommander? Un jeu de trucs. Oh, bah, je t'en supplie. Premier truc. Alors, il y en a sans doute beaucoup qui doivent déjà connaître. Parce que moi-même, je l'avais déjà vu passer plusieurs fois. Mais c'est ce qui m'a convaincu de le follow. Alors que pourtant, c'est totalement ma cam. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas follow plus tôt. Mais c'est donc le truc qu'il a fait pour la promo de Stéphane qui m'a fait le suivre. Stéphane Malassagne, qui fait des parodies de coach, coach séduction, coach confiance en soi et tout. Et très marrant. Donc Stéphane Malassagne. Et c'est sur Insta, YouTube. Sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Ok, ok. Et bah, très marrant, le mec. Enfin, c'est trop cool ça de voir ce genre de truc sur. Parce que c'est de la bonne parodie. C'est-à-dire qu'il n'en fait pas des caisses. Enfin, tu vois, il a bien chopé le ton de tous ces coachs de merde. Il n'en fait pas trop pour que ce soit grotesque. Le ton. C'est grotesque. C'est grotesque pour moi. Okay. Et le ton est trop bien dosé et tout. Donc, c'est hyper marrant. Okay. Et donc, bah, le deuxième truc, un jeu de société dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Crack List. Ah oui. Donc c'est un peu, je vais essayer de le pitcher rapidement, mais c'est un mélange entre le Uno et le petit bac. Et donc le principe, c'est qu'il y a une carte au milieu avec un thème qu'un des joueurs ou joueuses décide. Donc par exemple, marque de vêtements. Et ensuite, tous les joueurs et les joueuses autour de la table ont 8 cartes sur lesquelles il y a des cartes lettres. Et il y a aussi des cartes spéciales du genre pour si on la joue, ça fait passer le tour de la personne suivante ou ça inverse le sens, etc., etc. Et en gros, après, c'est comme le petit bac, c'est-à-dire que c'est chacun son tour. Et par exemple, marque de vêtements de sport, si c'est ça le thème, t'as la lettre A dans ton truc, bah tu joues ta carte A et tu dis Adidas. Si t'as la carte P, tu dis Puma, etc., etc. C'est chacun son tour et la personne qui gagne, c'est la personne qui n'a plus de cartes en premier, sachant que quand tu joues des lettres, qui sont particulièrement difficile à caser, du genre Z, K, etc., tu peux donner des malus de cartes, donc des cartes en plus aux autres joueurs pour justement ralentir leur progression. Et c'est vraiment, j'adore ce jeu. C'est assez bien pensé, hein. Moi, j'y joue beaucoup avec mon frère, mes neveux et tout ça. C'est hyper bien. En fait, moi, j'adore le jeu du petit bac de base. Le seul défaut de ce jeu, c'était peut-être que ça manquait de dynamisme, parce que c'est vraiment, tu mets un chrono, puis après tout le monde dans son coin. Et bah là, ils ont réussi à corriger ce défaut-là. C'est-à-dire que t'as un jeu qui est hyper dynamique et c'est trop marrant. Et en plus, ils font un truc que je trouve cool, c'est-à-dire qu'ils ont une app. Si jamais t'es allé au bout des thèmes, et ben t'as une app avec des thèmes et donc c'est génial. Ça, j'aime bien quand parce que moi j'ai du mal à acheter les jeux à cartes, parce que souvent je me dis bah ouais, mais du coup il y a une fin. Enfin, tu vois, oui, c'est ça. Même les trivial pursuit, alors que les trivial pursuit, il y a un milliard de questions. Je me dis oui, mais dans 10 ans, alors que je après, vais pas y jouer tous les jours. Des extensions et oui, tout. Oui, bien sûr. Mais là, du coup, effectivement, l'appli, j'ai trouvé ça cool. Et après, ça joue. J'ai joué pendant les vacances avec de la famille et il y a quand même une petite porte à la mauvaise foi, des fois sur les thèmes. Typiquement, peut se visiter à Paris. Et je me souviens d'une petite embrouille avec ma meuf sur. Genre j'avais dû dire le métro ou je sais plus quoi. Et genre bah non. Je fais bah moi quand j'étais à Paris le métro c'était. Et donc il y a des petits trucs un peu comme vous ça. Vous jouiez à deux? On jouait. Non on jouait. On jouait. Oui, on jouait. Non on jouait à 3, 4. Ah ok. Ouais. Bah en fait le ce qui est cool avec ce jeu, c'est que donc en gros quand quelqu'un joue un truc et il y a un peu un doute sur est-ce que vraiment c'est de l'auto-arbitrage démocratique. Mais là où il peut aussi y avoir de la mauvaise foi de la part des gens qui votent, c'est que pas beaucoup de cartes, si c'est ta dernière carte, tu vas dire un truc et les gens vont dire oh non, peut-être pas quand même. Et J'embrasse mon frère qui m'a refusé un mot parce qu'il n'était pas prêt. Le mot n'était pas sur lexilogos.com. Il m'a dit non, mais c'est ça la référence. Hein. Je dis, mais quoi? Il a dit non, bah, il est pas sur lexilogos donc ça compte pas. Je fais bon, bah. D'accord. Il y a Johan Le Sage Bernard que vous entendez en feat. The Straight Story, qui s'appelle Une histoire vraie en français. Okay. Réalisé par David Lynch. Parce que je me la joue sinoche. tel que je suis. Mais toi t'es dans le cinoche beaucoup là. Là en ce moment j'ai un orteil dans le cinoche. Je me la joue cinoche, je me la joue, j'adore les films. Je n'avais jamais vu un seul film de David Lynch de ma vie. Et franchement pas plus mal parce que la merde. Non mais je connais pas du tout, je connais pas du tout et je me suis dit eh ben tu sais quoi, parce que moi je suis un peu comme ça, je suis un peu un geekos de je vais découvrir l'univers d'un artiste. Je me dis bah je vais me faire plein de films de David Lynch jusqu'à ce que je déteste évidemment et que j'enchaîne des films que j'aime pas. Mais je savais que David Lynch, il y a des films chelous. Oui. De David Lynch, genre Mulholland Drive ou Lost Highway, parce que même si je les ai pas vus, je les connais de réputation. Lost Highway, je l'ai vu au cinéma et j'étais jeune aussi en plus, vraiment j'avais détesté. Mais je sais qu'il a aussi toute une partie de filmo avec des films beaucoup plus abordables comme Sailor et Lula, Sailor Moon aussi. Sailor Moon de David Lynch. Non, et donc ce film, une histoire vraie, qui raconte l'histoire d'un vieux qui apprend que son frère, son frère qui est vieux aussi, a fait une mauvaise chute. Et ils sont embrouillés depuis 10 ans et ils décident d'aller le voir. Sauf qu'il voit plus rien. Enfin, il est pas aveugle, mais il voit. C'est un vieux, quoi. La cataracte. C'est ça. Il a pas le permis. Il veut pas qu'on l'amène en bagnole. Donc, il décide d'y aller en tondeuse. Mais putain, je me rappelle de ce film. Eh oui, bah, c'est un vieux film, encore une fois, 99. Ah putain, mais oui, oui, très bien. Ah, c'est David Lynch, toi. David Lynch qui a fait ça. Je me rappelle de. Putain, de. Ouais, ok. Et c'est donc c'est un road movie sur les gens gentils. C'est ça qui est assez ouf, c'est qu'en fait pendant tout le trajet, ils ne croisent que des gens sympas, mais qui ont quand même des problèmes dans leur vie et qui ont des trucs. Mais moi je me suis dit ah putain il y a le truc où il va se faire voler. T'es habitué aux films horribles. Alors pardon spoiler du coup, mais non. Vraiment, c'est la vie où des gens l'aident, il lui arrive des merdes, mais du coup, voilà, bon bref, ça m'a fait énormément de bien ce film. Ça j'ai adoré ce film, et alors à la fin, alors pardon, encore une fois, je spoil à la un fin, peu. Il retire son masque, et il fait et il remonte dans le temps, et bon, David, t'as tout gâché. Non, j'ai appris, alors pourtant ça s'appelle The Straight Story, mais c'est donc en français une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ça, je me savais pas. Putain, je me rappelle à l'époque où le film est. Parce que j'étais vivant déjà. Il disait aussi, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Bah, c'est un vieux film quoi. Ouais, non, pas si vieux, 99. Bon, j'avais 8 dire, ans. J'allais dire 97. Ouais, ouais, mais c'est dans ces eaux-là. Et donc, il est en ce moment sur Canal Plus. Donc, ça s'appelle Une histoire vraie. Bah, trop bien. Et c'est un super film. Et il y a cette actrice que j'adore qui joue Carrie aussi dans le film Carrie. Si, c'est passé. Je ne l'ai pas googlisé du tout. Non. Si. T'as pas regardé ton écran pour dire le nom. Donc, non, voilà, c'est un super film et je vous invite à le regarder. Bon, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Et restez flood. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.